ont fini par se repentir d'avoir été injustes. Votre œil dort, mais la victime est éveillée et vous maudit. Mifune Kiabel, de tous les temps, Mote Mayala Lubayaka, frère d'amour. Guy Digital, Moziki Hollywood, Tania Bayaka, Matata Bayaka, Teddy Boka Garçon Référence. Inondation, de continuer l'établissement, licencié ça de chapre, y'a pas éliminé la yote. Breken Bayaka, et quand t'as mis en pour fermer, territoire n'en a abonné. Sami Maula, Rachel Moussolongo, Eva Mouari. La beauté la moins tombée dans sangue et un chèque à faire. La même le Cameroun dans la justice est pour la longue. Motazo Sambi, Samba de Rivananga. Fortuné ma Samba, Afokanga na suye. Il est dit Lolo, papa na Kesli. Et Motavo Pela ma chère à ton Kiri. Brice Pangi, chez les Bonnons. José Dipré, nous voyons pas. Lionel Matobo, Odilon Mundele, Rose Affaire Lumière de Lyon, Chisar Longomo le pétrolier, Elvis Chouka, Kimou Yangi Serge Lumwanga, Cheda Love, Chisar Kapaye. Brinne Kapai, Makezi Kapai, j'ai l'impression la louba y'a conçu mon thème en ma pamba. Y'a comme ma cambole et gauche à droite. Allez Kapai, l'établissement y'a pas matériau y'a l'homme. Et comme il déséquilibre la louba y'a ka. Période y'a malamou y'a moi y'a marchandise et c'est comme un casse-info. Là qu'on a côté canini mi founé. Michel y'a fait ta. John Makaya, Nifim Buka, Adrien Kiala, Calendrier Salé, Soso, Respecté, Grasse Coulé, Discours à Fraterie, Signalena, Pendemo, Abien Louela, Costa Couler, Olopini, Papana, Chili, Bazin, Nicole Amarula, Eben Kimbeni, Ambrose Obaka, Christian Boferrier, Pablo Madiala, Yvette Mbia Zanotti, Rida Ikanda. Soupira Matundwe, Yadie Bisengo, Dems Musombo, Francis Lutumba, Kelly Tsumbo, Cédric Mabeka. Parmi les grands, les seigneurs, les salins qui ont circulé, pour la propos, à mon avis, Odilon Mapouya, les autres régimes, pour moi, les nabolimans, Pastel Lando Massoudi, pour mieux qu'on t'attende, puis je prends notre dalle à miroir, où les potes n'attendent, Jibiru Wembo, Mathias Sakori, Salaki, mon papa, mon inaté, pour amour, à Pessanaya, Chili Kalala, et le Kéli.